Chapitre 25. Sur les ailes du matin. Vers 6h30, Lanière quitta le vestiaire qui lui avait été assigné dans les baraquements de Port Aviation, et tout empâté dans le lourd costume d'aviateur qu'il avait obtenu sur la recommandation de Ducroix, il s'avança entre deux hangars vers le terrain de départ. À 7h, l'aube déjà proche palpitait au ciel oriental, mais dans le vaste enclos de l'aérodrome, l'obscurité de nuit s'attardait si obstinément que deux grands projecteurs avaient été mis à la disposition des aides, occupés à régler le moteur du biplan Paro. Dans le puissant faisceau de clarté blanche, qui frisait bizarrement les costumes de toile cirée de la douzaine de mécanos affairés autour de l'appareil, les faces inférieures des larges pans immobiles se détachaient sur le noir, avec un aspect d'irréalité. On les eût crus déjà flottants, et qu'il leur suffirait d'un souffle pour s'envoler vers le ciel. D'un côté, un groupe de jeunes Français aux traits énergiques, officiers du corps, flânaient en surveillant les préparatifs avec une curiosité intelligente et alerte. De l'autre, toute la majesté de Mars s'incarnait en la présence de Monsieur Ducroix, qui prenait des airs avantageux dans son paletot de fourrure et son huit reflets, tout en bavardant avec un officier dont le costume d'aviateur mettait en relief les formes sveltes et athlétiques. Quand Lanière s'approcha, ce dernier joignit les talons, salua le ministre de la guerre et s'éloigna vers la machine volante. « Le capitaine Vauquelin vient de me dire qu'il prendra le départ dans 5 minutes, monsieur, » lui annonça Ducroix. « Vous arrivez à temps. »« Et mademoiselle ?» demanda l'aventurier en promenant à la ronde un regard inquiet. Presque aussitôt, la jeune fille surgit de l'ombre avec un sourire d'excuse pour la singularité de son costume. Elle avait revêtu, par-dessus sa toilette de ville, un ample paletot de cuir, étroitement boutonné au col, aux poignets et aux chevilles, qui l'enveloppait des pieds à la tête. Son petit chapeau était remplacé par un casque de cuir qui ne laissait voir que ses yeux, son nez, sa bouche et son menton, et ces derniers mêmes furent bientôt cachés par un voile épais destiné à la protéger contre les projections d'huile. « Mademoiselle n'est pas inquiète ?» demanda poliment Ducroix. Lucie sourit gaiement. « Moi ?» « Pourquoi donc, monsieur ?»« J'espère que mademoiselle me permettra quand même de lui souhaiter bon courage. Mais, pardon, j'ai un dernier mot à dire au capitaine Vauquelin. » Soulevant son chapeau, le Français alla rejoindre le groupe proche de l'appareil. Lanière contemplait la jeune fille sans dissimuler sa surprise de l'avoir proclamé sa vaillance par son teint animé et ses yeux brillants. « Eh bien, » demanda-t-elle gaiement, « surtout, n'allez pas me dire que je suis à faire peur, je le sais déjà. »« Je n'ose pas vous dire comment vous paraissez à mes yeux, » répliqua Lanière avec modestie. « Mais je ne vous cacherai pas que pour vous le courage simple et vrai, vous... »« Merci, monsieur, pas mal, et vous ?» Il jeta un regard défiant sur l'engin fragile auquel ils allaient se confier. « En somme, » fit-il avec trop d'assurance, « je ne me sens pas le moindre du monde ému ni emballé. » Cela ne me paraît guère sortir du train ordinaire de l'existence, de la vie quotidienne. « Je crois, répliqua-t-elle judicieusement, que vous ressemblez fort à l'autre loup solitaire. Arsène Lupin, vous connaissez le roman ? Vous êtes comme lui un peu bluffeur. Si vous n'êtes pas inquiet, pourquoi rester à regarder par là-bas, comme si vous attendiez quelqu'un, comme si cela ne devait pas vous surprendre, de voir Popineau ou deux Morbihans surgir de terre, ou même Extrome ? « Hum, » fit-il gravement, « je ne vous cacherai pas que c'est précisément de cela que j'ai peur. »« Quelle bêtise !» s'écria la jeune fille franchement ironique. « Que pourrait-il faire ?»« Ne me le demandez pas, je vous prie, » fit Lanière sérieusement, « car je pourrais être tenté de vous le dire. »« Voyons, ne vous en faites pas très cher. » Et, furtivement, elle lui pressa la main. « Nous allons partir. » C'était exact. Ducroix revenait vers eux, majestueusement. « Tout est prêt, » annonça-t-il d'une voix claironnante. Un peu intimidé, le couple s'approcha en silence de l'appareil. Vauquelin resta à l'écart, tandis que Lanière et un jeune officier aidaient la jeune fille à prendre place sur le siège à la droite du pilote, où ils la bouclèrent. Quand Lanière eut été pareillement assujetti à la place de gauche, tous deux restèrent là, emprisonnés à quelques 6 pieds du sol. Lanière trouvait son siège assez confortable. Une large bande de sangle lui soutenait le dos, une autre, disposée au travers de sa poitrine, le garantissait contre une chute en avant. Il avait des appuis pour les pieds et pour les mains, des crochets recouverts de draps fixés à la carlingue de chaque côté. Il sourit à Lucie par-dessus le siège vide et fut surpris de distinguer si nettement le sourire qu'elle lui adressa en réponse. Mais il ne devait plus le revoir de longtemps. Presque aussitôt, elle s'occupa d'ajuster son voile. La lumière avait grandi considérablement au cours des quelques dernières minutes. Puis il y eut une longue attente durant laquelle la foule des mécanos, des assistants et des aviateurs militaires bourdonnaient à leurs pieds comme un essaim d'abeilles. Le ciel était à présent clair jusqu'à l'horizon de l'ouest. Une flottille de gros nuages s'enfonçait vers le sud, laissant derrière eux un mince voile de brume qui devait bientôt s'évanouir sous les rayons du soleil. L'air était passablement limpide et pas trop froid pour la saison. La lumière grandissait toujours. Les détails des objets lointains devinrent distincts. Des traces de couleurs chauffèrent le paysage hivernal. À la fin, leur pilote, muni de son casque protecteur, apparut et se mit en devoir de grimper jusqu'à son siège. Avec un froid salut à lagnard et une inclinaison civile pour sa passagère, il s'installa, manœuvra les leviers et agita familièrement la main vers ses confrères, les officiers. Un cri d'avertissement retentit. La foule s'écarta rapidement à droite et à gauche. Ducroix leva son chapeau en guise de salut et lança un « bon voyage » et s'esquiva tel un coq effarouché par une automobile. Le moteur et l'hélice se déclenchèrent avec un fracas tonitruant. Lagnard crut tout d'abord que ses tympans allaient se rompre sous les chocs répétés et formidables qu'il subissait, mais bientôt cette illusion disparut, remplacée par celle d'une surdité permanente. Avant qu'il pût se ressaisir et reprendre la domination de ses esprits perturbés, l'aviateur avait abaissé un levier et le vaste engin se mit en mouvement. Il fila sur le sol, tel un cygne effarouché, et les roues de son châssis d'atterrissage enregistraient les plus minimes irrégularités de la surface du terrain, les amplifiant 50 fois. On se serait cru dans une carriole emportée à toute vitesse sur la chaussée des géants. Lagnard en était abominablement secoué jusqu'aux moelles. Il croyait que ses yeux mêmes allaient jaillir de leurs orbites. Puis, le paro commença à monter. Chose singulière, ce changement fut marqué au début simplement par une légère diminution de la trépidation. La machine semblait toujours se précipiter à une allure de casse-cou sur une route caillouteuse. Et Lagnard eut de la peine à se rendre compte qu'il volait déjà, même quand il regarda en bas et se vit séparé du terrain d'exercice par une distance de 100 pieds. Quelques secondes plus tard, il filait au-dessus des maisons. Peu à peu, les secousses devenaient moins fréquentes et elles cessèrent bientôt presque entièrement pour ne plus se renouveler qu'à de rares intervalles, quand le courant d'air que rencontraient les ailes offrait des irrégularités dans sa vitesse. Il en résulta par contraste la paix la plus sublime, le ronflement même de l'hélice s'atténuant en un bourdonnement continu. Le biplan paraissait voguer sans effort sur une vaste mer tranquille, ridée seulement çà et là par des vaguelettes passagères. S'élevant toujours, ils rencontrèrent les premiers rayons de soleil, et dans leur vierge lumière, l'avion se transforma en une chose d'or aérien. Sans cesse, l'air flagellait leur visage comme un flot d'eau glacée. En bas, le monde se déployait comme une enluminure de micelles géantes et compliquées, ou comme une étrange mosaïque merveilleusement détaillée. Lagnard pouvait voir le cadran du compas, fixé dans sa monture d'aluminium, en face et sur la gauche du pilote. D'après la boussole, il faisait route presque en plein nord-ouest. Déjà les toits grouillants de Paris s'étalaient à droite, avec la tour Eiffel, qui se dressait comme un pilier de dentelle d'or, la Seine qui se déroulait comme un serpent sombre, et le Sacré-Cœur qui semblait un palais de rêve aux murs opalins. Versailles apparut à l'horizon de bâbord et s'évanouit en arrière. Paris se referma, télescopant son panorama qui devint une simple tache, un flocon de fumée. Mais il fallut longtemps pour que la distance éclipsât le doigt indicateur de la tour Eiffel. Vauquelin manœuvra ses leviers, et l'avion levant le nez, monta toujours plus haut. Le chant du moteur était devenu grave. La vitesse avait augmenté sensiblement. Lagnard constatait avec un étonnement sans bornes qu'il n'était pas du tout ému, mais simplement fort intéressé par cette aventure qui ne semblait avoir rien d'extraordinaire. Et il ne pouvait discerner par ses sensations physiques aucune trace de cette crainte nauséeuse qu'il ressentait toujours dans les lieux élevés. Le sentiment de sécurité, de stabilité qu'il éprouvait, avait quelque chose de vraiment incompréhensible. Tout à coup, saisi de se sentir toucher le bras, il se tourna vers l'aviateur et vit par les fenêtres de Mika du casque ses yeux emplis d'un doute inquiet. Considérablement perturbé et prêt à craindre qu'il ne fût arrivé quelque chose à l'appareil, Lanière secoua la tête en signe d'incompréhension. D'un geste impatient, l'aviateur lui désigna les régions inférieures. Comprenant l'inutilité de la parole, Lanière s'agrippa au rebord de la carlingue et se pencha en avant. Mais l'allure était maintenant si rapide et leur élévation si grande que le paysage ondulant sous sa vision n'était plus qu'une plaine roussâtre, maculée çà et là de taches de couleurs plus vives. Il leva des yeux interrogateurs, mais ne reçut en réponse que le même geste. Piqué au jeu, il concentra mieux son attention sur le paysage plat et vaporeux. Et soudain, il reconnut quelque chose de singulièrement familier dans une courbe proche de la Seine. « Saint-Germain-en-Laye » s'écria-t-il avec un sursaut d'inquiétude. Cet endroit-là, c'était là l'endroit dangereux. Et plus loin sur la gauche, se dit-il, ce vaste champ avec au milieu cette drôle de petite chose qui a l'air d'un insecte ailé, ce doit être l'aérodrome de Deux Morbihan et son monoplan Valkyr. Vont-ils le sortir? Est-ce là ce que vos câlins me montrent? Et si c'est cela, qu'en résultera-t-il? Je ne vois pas... Tout à coup, le doute et l'étonnement glacèrent l'aventurier. Pour un instant, Vauquelin rendit toute son attention à la manœuvre de l'appareil. Le vent soufflait alors plus irrégulièrement, ce qui créait des poches d'air, ces trous de l'atmosphère si redoutés des pilotes, et en quête de couches plus homogènes, l'aviateur faisait décrire à son avion une large cour vers le nord, tout en grimpant toujours plus haut. La terre perdit bientôt toute apparence de forme. Le ruban d'argent sinueux de la Seine disparut lui aussi au loin sur la gauche. Il ne restait plus que la sensation d'être fermement suspendu dans cette haute voûte bleue, celle d'un flot continu d'eau glacée dans la figure, et sans cesse le chant monotone du moteur. Après 40 minutes environ de cet exercice, ou peut-être même une heure, car le temps avait perdu sa valeur habituelle, Lanière, dans un état de réceptivité anormale, finit par percevoir une nouvelle inquiétude dans l'esprit de l'aviateur et rencontra enfin ce regard. « Qu'est-ce qui se passe ? » hurla-t-il dans un vain effort pour élever la voix au-dessus du fracas. Mais le Français comprit et répondit en désignant d'un geste du bras l'horizon avant. Ne voyant rien qu'un nuage dans la direction indiquée, Lanière comprit l'origine d'un phénomène qui, dès le début, l'avait vaguement troublé. S'il avait été incapable jusque-là de percevoir aucune limite distincte au monde, cela provenait de ce que la terre était toute fumante des récentes grosses pluies. Tous les lointains se voilaient d'une vapeur ascendante. Et maintenant, ils approchaient de la côte, où les vapeurs, semblait-il, se rassemblaient plus épaisses, car tout le paysage devant eux reposait sous un linceul d'un gris uniforme. Et il n'était pas non plus difficile de comprendre maintenant pourquoi l'aviateur était peu rassuré en envisageant la perspective de naviguer dans l'épais brouillard du Pas-de-Calais. Quelques minutes plus tard, il fit sursauter Lanière en lui posant de nouveau la main sur le bras avec autorité et en jetant par-dessus son épaule un regard significatif. Lanière se retourna aussitôt. Derrière eux, à une distance qu'il évaluait approximativement à 3 kilomètres, la silhouette d'un monoplan se détachait sur le firmament clair, pareil, avec son unique paire d'ailes blanches, à un goéland solitaire planant, bien plus qu'à une machine dirigée par la main de l'homme. Seul, un rare et presque imperceptible balancement des ailes prouvait qu'il se déplaçait. Saisi d'une inquiétude et d'une anxiété croissante, il l'examina durant quelques secondes sans pouvoir deviner s'il gagnait ou perdait du terrain dans cette poursuite lointaine ou qui pouvait être le pilote. Mais il ne doutait guère que cette machine fût partie à leur intention de l'aérodrome du comte Rémy de Morbihan à Saint-Germain-en-Laye, qu'elle n'était rien moins en fait que le Valkyr de Morbihan, réputé le monoplan le plus rapide d'Europe et le vainqueur d'une douzaine de concours internationaux, et qu'il était dirigé, non par de Morbihan lui-même, du moins par un de ses séides de la meute, fort possiblement, voire probablement, par Extrome. Mais dans cette hypothèse, Quel mal pouvait présager cette poursuite? Comment imaginer que la meute pût compter aboutir à ses fins en chargeant le monoplan de poursuivre ou de dépasser le paro? Elle ne pouvait empêcher Lanière et Lucy Shannon de s'évader jusqu'en Angleterre, en tout cas du moins, par aucun moyen rationnellement concevable. Était cela simplement un nouveau procédé de tenir le couple sous surveillance? Mais on pouvait tout aussi bien y arriver en télégraphiant ou en téléphonant aux collègues de la meute, les associés de Wertheimer en Angleterre. S'avouant son incapacité d'attribuer aucun motif raisonnable à une telle conduite, Lanière y renonça. Mais malgré tout, l'énigme ne cessait de tourmenter son esprit. Dès le début, dès le moment où la disparition de Lucie avait exigé l'ajournement de cette fuite, il avait craint des ennuis. Il ne lui semblait pas raisonnable d'espérer qu'on pût faire attendre le paro durant plusieurs jours sans que le secret se répandît. Mais ce qu'il avait craint alors, c'était un ennui destiné à se produire avant le départ d'ici. La possibilité que la meute fût capable de lui ménager quelques mésaventures après cela n'était jamais entrée dans ses calculs. Même à présent, il lui paraissait difficile de lui accorder une attention sérieuse. De nouveau, il regarda en arrière. Maintenant, à son appréciation, le monoplan se détachait plus grand que tantôt sur le ciel radieux, ce qui montrait qu'il gagnait. À mi-voix, il poussa un juron. Le paro était capable d'une vitesse de 250 km à l'heure, et sans conteste, Vauquelin faisait donner au moteur tout ce qu'il pouvait. Depuis qu'il avait attiré l'attention de Lanière sur le poursuivant, il avait obtenu une sensible accélération. Mais cette allure même réussirait-elle à tenir contre le Valkyr, sinon à le distancer? Un nouveau regard en arrière ne lui montra pas le monoplan plus proche. 30 autres minutes s'écoulèrent sans que les positions relatives des deux appareils eussent subi un changement notable. Durant ce laps de temps, le paro s'éleva à une altitude, indiquée dans le barographe encastré devant Vauquelin, de plus de 1500 mètres. En bas, le Pas-de-Calais s'étendait comme une mer de lait qui commence à bouillir. Regardant en bas comme fasciné, Lanière se dit pensivement « C'est de l'eau verte par là-dessous, mon vieux. » Il semblait difficile de croire qu'ils eussent accompli le trajet depuis Paris en si peu de temps. À son compte, très approximatif, le paro était alors quelque part au large de Dieppe. Il devait en pareil cas atteindre l'Angleterre, non loin de Brighton. Si seulement on y voyait... En se penchant un peu plus en avant et en regardant par-delà l'aviateur, Lanière pouvait entrevoir Lucy Shannon. Bien que toute la grâce et le charme de sa personne fussent enfermés dans les difformes enveloppes de son costume d'emprunt, elle semblait assez à son aise, et le courant d'air aiguisé par le froid de l'altitude moulait son voile exactement selon les fins contours de son visage et piquait si bien ses joues fermes que celles-ci brillaient d'un feu précieux que l'épaisseur de ce tissu foncé ne parvenait pas à cacher entièrement. Le soleil dépassa le plancher de brume, s'y ajoutant en raies irisées, l'emplit d'un éclat chaud et palpitant comme celui d'une opale, et tout d'un coup le changea en une mer d'or moutonneuse, et apparemment sans bornes, qui déjouait tout effort pour deviner leur position, et s'ils étaient oui ou non au-dessus de la terre ou de la mer. Néanmoins, par des calculs rapides et sommaires, Lanière se persuadait qu'ils étaient à peu près au milieu du détroit. Il en était à peine arrivé à cette conclusion qu'une secousse brusque, qui fit vaciller les plans, attira son attention sur son voisin. D'un coup d'œil inquiet sur le visage de l'aviateur, il le vit pâle comme le marbre. Vauquelin tenait son bras étendu et le considérait avec incrédulité. Le regard de Lanière fut attiré sur le même point. Une déchirure irrégulière dans le manche du paletot de cuir du pilote, juste au-dessus du coude. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il niaisement, oubliant de nouveau qu'on ne pouvait l'entendre. Les yeux de l'aviateur, se détournant de la déchirure pour rencontrer le visage de Lanière, étaient envahis par la consternation. Puis, Vauquelin se détourna rapidement et regarda en arrière. En même temps, il abaissa la tête et quelque chose passa en sifflant près de la joue de Lanière, effleurant sa peau d'un souffle plus glacé que celui de l'air. « Damnation ! » hurla-t-il hors de lui. « Ce fou du Valkyr ! Voilà-t-il pas qu'il tire sur nous ?